21-37, activation, dictée. Écoutez et complétez, vous entendrez le texte trois fois. Ah, pas possible. Mireille a changé de jupe. C'est la nouvelle jupe. Comment tu la trouves? Elle est ravissante. Très chic. Ça vient au moins de chez Dior. Oui. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. C'est la nouvelle jupe. Comment tu la trouves? Elle est ravissante, très chic. Ça vient au moins de chez Dior. Oui. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. C'est la nouvelle jupe. Comment tu la trouves? Elle est ravissante, très chic. Ça vient au moins de chez Dior. Oui. Pas vraiment. Elle est très chic quand même. Je trouve aussi. B. Mais oui, Mireille a deux jupes. Tu en as vu celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Celle-là, hein? Tu en as vu celle-ci? Et celle-là. À mon avis, celle-là. Celle-là, hein? Ton avis, celle-ci ou celle-là? À mon avis, celle-là. Celle-là, hein?